même on recommence. Pas les gun sous le camis. J'avance trop, j'ai plus trop le temps. J'en laisse des jaloux sur le pare-brise. Les vrais hommes ne font pas un pute. Les salopes se créent un vécu. C'est pas GTA, poteau une vie t'en a que une. Je crois en Dieu et ma sécu. Je rentre, j'ai des sous à prendre. Je ressors, j'ai des trucs à vendre. Aucun peut mettre une amende. Introuvable, c'est la peine qui nous pousse à se rendre. J'encaisse pas sur une boîte de 30. J'encaisse sur une boîte de nuit. Attends, baisse d'un ton, c'est mes frères qui deviennent mes ennemis. Le quartier est pas. Et les poucas se baladent normal. Vous faites les fous parce que vous êtes mille. Mais y'a plus personne devant le normal. Oh, y'a plus personne devant le normal. C'est réel, c'est la vie, c'est infernal. Autant tue ta grand-mère si tu parles mal. Poteau, j'ai trop zoné, poteau, j'ai trop zoné. Mes erreurs, mes péchés, y'a Dieu pour pardonner. Poteau, j'ai trop zoné, poteau, j'ai trop zoné. Y'a des darons qui pleurent, des frères emprisonnés. Et ça rafale devant le noir. Malade équipé d'un parpaing. Et ça rafale. J'ai hâte des poils cette soirée. Fantôme au parloir. Et ça fait mal. Le tueur est pour Sté et ma fait court toi. Il m'empêche d'avancer. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Je leur ai rien fait pourtant. Mais je les enlèverai pour toi. Et ces affaires sont pour qui. Il en a besoin pourquoi. Non, je suis pas tombé dans le ski. Non plus mais tombé dans l'encre. Je pense que tu l'as vu hein. Ils sont remplis de fils. Genre de garde à vue. C'est pas des rappeurs c'est des actrices hein. Défoncés sous les glacis. Déférés en cours d'assises. T'aurais pu fermer ta gueule. Mais t'as préféré sauver ta vie hein. Pourquoi toi t'as pris la fiche hein. T'as peur que les condés t'affichent hein. J'ai pas demandé ton avis. Moi je l'encule au PG. Gros nos darons sont tristes. Poto c'est la règle pour de vrai. J'attends pas retour pour donner. Je suis dans une période difficile. Où je peux me faire fumer. On a un bon revêt. Les potos sont mal, mais tu fais la fête. Oh, ton meilleur pote peut devenir un traître. À l'heure où je te parle, les gosses c'est la guerre. Il me suffit d'une main pour compter mes frères. Me prends pas la terre, ça sera plus la merde. Poto, j'ai trop zoné, poto, j'ai trop zoné. Mes erreurs, mes péchés, y'a Dieu pour pardonner. Poto, j'ai trop zoné, poto, j'ai trop zoné. Y'a des darons qui pleurent, des frères emprisonnés. Et ça rafale devant le noir, malade équipé d'un parc. J'ai trop zoné, poteau j'ai trop zoné. Mes erreurs, mes péchés, y'a Dieu pour pardonner. Poteau j'ai trop zoné, poteau j'ai trop zoné. Y'a des darons qui pleurent, des frères emprisonnés. Et ça rafale devant le noir.